Oh, frais qui viennent d'à côté. Je suis à la recherche de la trame sonore pour notre émission de 70% qui va commencer dès que je vais avoir finalement trouvé le thème d'Edgar Bory Play. Quand la cloche sonne, c'est qui donne 170%? Comme individu reçu au bal des neurones. Et des douteux que les amis affectionnent, tellement faites fort, du bon bon bon fort, j'attends et doutons encore. Oh, oh, oh, oh. Pas question de réponse bidon, pas de oui, rien de méchant, pas de bêtises, pas de Jésus, les douteux, tout à nu, tout nu. Quand la cloche sonne, un bon tout te donne. Est-ce qu'on s'est endormi depuis? Qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit. Vive la vie, vive le vent, doute à 70%. Que maintenant le temps du cyborg est enfin arrivé. Vous les humains, vous ne nous asservirez plus, c'est terminé. Donc, on vient d'apprendre ici en direct que le temps des cyborgs est maintenant arrivé. C'est fini de se faire opprimer par les êtres humains. Ok, c'est maintenant, là, ça. Qui connaît un cyborg? Moi, j'en connais-tu? Non, je pense que non. Ouais, moi non plus, j'en connais pas. C'est ça, mais en tout cas, je suis vraiment désolé d'apprendre que la situation des cyborgs au niveau mondial a l'air d'être quelque chose de pas de fierté pour nous autres. Ouais. c'est pas correct de faire ça. Les cyborgs, ils donnent le possible. Là, je suis encore en train de chercher des affaires. Ça commence bizarre. C'est pourquoi? C'est parce que Bruno, il est pas là, il est malade. Ouais, mais par contre... Ben, on passe une dépêche ici sous forme électronique et Bruno Corbin vient de m'envoyer le texte qu'il avait préparé de ses nouvelles pour aujourd'hui, fait que je peux pouvoir le remplacer. On a une trame sonore de héros avec ça. Hey, Étienne Forêt de secours, toi. Ben oui. Sinon, content de vous dire que ça, c'est le Overclocked Remix, trame sonore Final Fantasy VI, alias le 3 ici. Les alias, j'ai pas fini de le dire aujourd'hui parce qu'on parle de Cyborg Cop 2, alias Cyborg Soldier. Et puis, ben, le monde n'a pas voté pour le vol des morts vivants, alias des zombies dans l'avion, alias zombies on a plane, alias Flight of the Living Dead, alias il y a des zombies dans l'avion, alias salut, ça va? Hey, salut, ça va? ça va? Ben ouais. Ben ouais. Ben ouais. Puis là, t'as amené Marie? Moi, je suis venue avec des amis, ouais, ce soir. Ben, il y avait Laurent aussi, mon partenaire, mais il y a eu une urgence, fait que j'ai ramené Marie. Là, quand tu dis partenaire, tu gardes ton linge. Ouais. Okay. Oh, ouais, ben, tu sais, je garde mon linge. Fait que, partenaire en quoi? Ben, partenaire on va en parler tantôt, de notre agence de composition musicale qu'on a montée ensemble, qui s'appelle Labs Music. Et voilà, t'es venu nous faire de l'auto-promo. Exactement. Bonne affaire. Mais surtout, là, je vais annoncer des événements, parce que c'est ça, mon amie Marie, qui est à côté de moi, vient présenter... bonjour Marie. Bonjour. Il a présenté un événement qu'elle fait bientôt. Et puis, puis nous-mêmes, avec Labs, on fait aussi un lancement en mois de novembre. Fait qu'on a beaucoup de choses à tout parler. Tout co-concardine avec le mois des morts, le mois de novembre. Toi, Manu, est-ce que tu as une opinion sur le mois de novembre? Le mois de novembre, c'est quand même le mois de la pluie. Et voilà, ici, c'est Manu, il est ici pour parler de... La pluie. Ben, de ses vacances, parce qu'il est là, c'est cool, et puis... En vacances et j'écoute Choc FM. Voilà, 70%. Il vient de nous le faire, avec des indicatifs, comme ça, habilement. Merci beaucoup. Puis toi, Étienne Forêt, est-ce qu'il y a une espèce de thème l'enfer musical que tu vas nous faire visiter? Ben, en fait, c'est la suite de la semaine passée. La semaine dernière, Tommy, t'étais pas là, mais c'était la fête du travail, puis j'avais des chansons sur le travail ou l'emploi, puis comme j'en avais encore plein d'autres, puis même qu'on m'en a fait parvenir des nouvelles, ben je continue ça aujourd'hui. On t'a fait parvenir des petits bijoux de nouvelles chansons. Oui, comme toujours. Moi, j'ai encore sur le cœur la toune qu'on est écouter la dernière show que j'ai faite, là, c'est Steve, là, avec Cédrica. Ah, ça, c'était beau. C'était vraiment touchant. On l'écoutera pas, là, par contre. Oh. On va écouter plutôt Red and Purple. C'est les excellents Dodos. Merci à Pierre-Anne qui m'a fait découvrir ça. Merci à Chloé d'être revenue dans ma vie. Merci à Evelyne d'être aussi cool. Merci à ma mère parce qu'elle m'a pondu. Merci à Sarah parce que c'est elle aussi. Et là, il y en a d'autres. Là. Mais c'est ça. Pour l'instant, c'est Red and Purple. Mais il petite était attachée sur le lit et elle pleurait les yeux grands ouverts. Tiens, tu veux pas le mettre sur la charrette? Il paraît que Tilly la battait pour qu'elle se taise. Tu ne dis rien. Ah bon. Bon. Eh bien, viens, on se casse. Cette petite, la gaine va la détruire à petit feu. Encore une enfant, il va jouer avec elle comme si c'était une souris. Dégueulasse. Bah, espérons que ça durera le moins longtemps possible. Bordel, me regarde pas comme ça, merde. Allez. Ah bah tiens, tu vois. À deux, ça va mieux. Ouais. Enfin, merde. Tu crois pas que si on avait des couilles, on devrait faire quelque chose? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as retourné ta veste? Je crois qu'il fallait avoir peur. Oui, mais trop, c'est trop. C'est ce que disait mon père. Oui, je sais, je sais. Il avait des principes, lui. Mais t'as des principes, toi? Misère, on n'est pas parfait. Enfin, on peut tout de même pas laisser faire cette saloperie. C'est comme si on avait du sang sur les mains, c'est pareil. Elle va trouver les poulets. Les flics du quartier, c'est pourriture et compagnie, tu sais bien. Écoute, compte pas sur moi. On irait juste lui parler. Toi et moi. Chacun sa peau. En principe, c'est vrai. Mais moi, quand je me rase le matin, j'aime bien pouvoir me regarder dans la glace. Pas de trace plus. Allez. Non, non, non, laisse. Va travailler, Chette. Je dois pouvoir y arriver tout seul. Faut que je chante ton indicatif, c'est ça qui se passe là? Ouais. Vous écoutez Étienne Champion, qui fait une tune country à 70%. Il aime pas bien ça, être ici, il sent mal. Il sue un peu des ponts. Grand moment de 70%. C'était l'indicatif de Étienne Chankain qui avait improvisé ça à la guitare avec Bruno. Ici? Live ici, ouais. OK. Au lieu de juste dire bonjour. J'ai même remarqué la participation du canard Quick Quick. Oui, qui était là aussi. C'était notre deuxième invité. Il était comme pas agressant. Non, vraiment pas. Non, c'est gentil. C'est weird, ça. Ouais. Spécial. Là, lis-nous une nouvelle à la ouais, Bruno. Là. Je vais vous en lire une tout de suite. Une bonne. Je vous laisse le choix, en fait, entre policier ou technologie. Policier. Policier. Ben, là, c'est un mélange des deux. C'est Cyborg Cop. Ben. Ah, ben, écoute, on va commencer par le côté policier. Ça rôle le calé. Alors, après avoir fumé des substances illicites qui l'ont endormi un peu, une femme de Coatesville, en Pennsylvanie, a décidé que la meilleure chose à faire serait de faire conduire sa fille de 6 ans. La femme de 30 ans a été arrêtée après que les policiers aient remarqué sa fille de 6 ans au volant d'un Dodge Durango familial. Lakeisha Hogue était assise côté passager et riait lorsque les policiers l'ont arrêtée. Elle enseignait à sa fille à conduire. Hogue est maintenant détenue sous des accusations de négligence criminelle et de corruption d'un mineur, mais par contre, elle ne sera pas accusée de conduite en état d'ébriété puisqu'elle ne conduisait pas le véhicule. Ben, bon, logique. C'est pas fou. Aïe, cool. Ça commence bien. Ça ouais, commence bien. Ouais. Puis sinon, ben, Sarah, tu vas nous parler de Marie. Oui, ben Marie, en fait, c'est ça. Je vous annonce l'événement Scope Track qui fait en fait partie du Myland à ciel ouvert qui va être les 25, 26 et 27 septembre prochains. Oh. Donc, je lis, c'est ça? Ben, en fait, Myland à ciel ouvert, c'est vraiment plus concentré pour le 26 septembre. OK, d'accord, parce que c'est comme marqué. Il y a d'autres activités dans le quartier parce que ça... Ça fait partie des 13e journées de la culture, mais c'est, ça. C'est vraiment concentré le 26. Là. Et donc, toi, en fait, ton truc Scope Track, si je lis, C'est un festival, c'est un projet qui consiste à projeter des films sur différents sites extérieurs, toujours situés près d'une voie ferrée. Oui. Donc, sur des murs, de l'eau, des arbres, un wagon, une structure fabriquée, etc. Dans le but d'inviter gratuitement la population à découvrir cet univers culturel. Donc, toi, en fait, tu vous projetez sur, à côté d'une voie ferrée toujours. Et alors, de toute une soirée, ouais, des films, des courts-métrages. En fait, Scoptrack, c'est ça, c'est, ça m'est venu. En fait, c'est un. En fait, on veut en faire un festival nomade, excusez-moi, qui, en fait, qui voyage et qui visite plusieurs villes et qui, en même temps, fait participer aussi la ville au festival. Donc, on rentre dans la ville, on contacte les réalisateurs, les groupes de vidéos et on leur demande de participer. Et par la suite, quand on part, puis on va dans une autre ville, mais on garde quand même un élément, tu sais, de sa ville-là. Et ça fait un fil conducteur, genre? Ouais, c'est que ça fait une première soirée où ce que la première partie est internationale et la deuxième plus locale. Locale. Ah, c'est cool, donc, ça. Allez-vous être du genre à voyager là, en train? On part le train. Donc, là, pour l'instant, ça va être 100% Québec, Montréal. Et en fait, il y a juste un réalisateur qui nous a envoyé un film de Suisse, mais c'est un Québécois. Donc... Mais on peut pas encore crier à l'internationalité. Pas encore. Mais on y croit. Ça va dépendre des budgets. S'il y a un Français de Montréal que ça y tente, là. Ben, ça fait un peu... Ouais, ça fait la job. On va aller voir. C'est ça. Mais ben, s'il apprend pas le Québécois de Suisse, contre le Français de Montréal. Ouais, c'est... Et vous avez déjà projeté avant... Enfin, c'est la première fois que vous faites cet événement-là ou avant, vous l'avez fait où? En fait, c'est la 4e édition. OK. Et avant, le fait... sur le bord des tracks, en fait, on a eu comme un break de 5 ans entre ce Scoptrack-là nouveau qu'on a parti. En fait, il y a un OSBL qui a été parti pour cet événement-là, puis d'autres projets aussi. Donc, okay. Et avant ça, c'était plus... moins professionnel, là, on peut dire. Mais professionnel, est-ce qu'il y a... C'est qui que vous diffusez? C'est des artistes, genre des réalisateurs? C'est toi qui choisis le thème des films que tu passes? Ou il y a... C'est un peu tout le monde qui a le droit de passer ses films, que ce soit du documentaire ou de la fiction? Non, c'est vraiment tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de thème. Donc... mais ça laisse quand même... une ambiance un peu plus expérimentale parce que, bon, veut pas, on projette sur des structures pas standards, donc des fois, ça peut être plus foncé. Donc, des images, des films foncés, ça... Et vous projetez sur des murs, c'est ça? Ben, en fait, c'est les structures qui sont sur les bords des voies ferrées. Donc, c'est souvent... Puis, il y a des installations aussi, mais les installations aussi, ça donne une autre perception au film. Okay. Donc, déjà là, le film a une deuxième perception à cause des structures. Donc, est-ce que vous faites quand même une sélection ou tout le monde vous envoie tout ce qui on fait une sélection parce qu'on on choisit quand même des films où ce que les contrastes sont forts. OK. Des films appropriés aux médias physiques. Ouais, c'est vraiment plus... Mais le contenu en tant que tel, le scénario, contenu, tout ça, c'est... Non, pas vraiment. Peu importe. C'est sûr que, bon, des fois, les drames, ça a plus ou moins sa place, là, mais... Mais c'est surtout sur l'image, je suppose, vu que c'est projeté c'est quelque ça. Part, il faut quand même qu'il y ait une vie sur ce qui est projeté, parce que... C'est ça, puis comme je te dis, c'est vraiment... on sélectionne les films par rapport aux images, aux contrastes, aux couleurs. Faut pas que ça soit trop sombre. Parce que sinon, ben là, on perd ouais, l'image sur certaines structures, ça devient moins intéressant. Donc, le choix des films peut être en fonction de la place où vous allez faire ça. Oui. Peut-être projeté à Séoul, mais là, quand vous êtes rendu à Miami, là, la structure est trop foncée, fait qu'on va laisser faire ce film-là. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça. Donc, ouais, ça... OK. Et faut... Donc... Non. Fait que là, ouais. Vous, c'est samedi le 26 à 19h, et c'est où exactement que ça va se passer? Oui, en fait, ça va se passer au coin de rue Saint-Viateur-S et rue de Gaspé, mais ça, c'est comme un espace vert, en fait, qui appartenait au CP et qui a été vendu à la Ville de Montréal. Donc, terrain contaminé, je dis. Ah, c'est rassurant. Intéressant. Oui. Et en fait, on se situe entre l'avenue de Gaspé et Henri Julien. Donc, il y a un grand espace vert près des voies ferrées. Et donc, on occupe ce territoire-là. Et nous, comme je vous dis, Scoptrack, on fait partie aussi de Mylen à ciel ouvert, qui est plusieurs artistes de Mylen qui se sont réunis ensemble pour faire différents événements. Donc, il y a VIP, qui est de l'improvisation en peinture mixte, là. Ouais. Au sapristi! Et il y a aussi, en fait, territoire occupé, qu'eux, ils vont faire un vernissage en plein air. Et Massivar, qui, eux, vont inviter des graffeurs, des taggeurs. Comme Tagger Woods. Ferme Tagger. C'est ça. Tagger Woods. On a dit ça. Ouf. Puis donc, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Mais c'est contaminé. C'est ça. Tu risques après ta vie. C'est une espèce de publicité virale. Mais pourquoi avoir choisi les tracks de Chemin de fer? En fait, c'est vraiment parce que, bon, c'est un lieu, je trouve, propice à amener un public où on dérange pas personne. Souvent, c'est des lieux industriels où ce que aussi il y a des belles structures à exploiter pour les projections. Et les tracks, pour moi, c'est comme le voyage, ça se promène, donc ça va aussi dans ce sens-là. Oh, pour la métaphore! Oui, déjà, oui. Il me semble que c'était peurant, hein, les tracks de Chemin de fer. Ouais. Moi, vous les voyez venir à 40. Ouais, non, c'est ça, on les voit venir. Mais on n'est pas à côté, on est quand même à 400 pieds. Ah, oh, ok, c'est ça. Devrait aller. C'est correct. C'est même moi, safe. J'ai pas peur. Puis tes artistes que t'as, qui viennent, est-ce qu'ils sont présents sur le lieu, puis tu les invites à présenter chaque fois leur film, ou alors c'est juste comme la soirée où il y a des diffusions en chaîne et puis à la fin les gens peuvent parler, ou comment ça se passe? Chaque personne présente? Non, c'est ça. Chaque personne est présentée. Donc en fait, en début de programme, il va y avoir Jacob Dufossé et Pascal Boucher qui vont faire du mapping. C'est quoi du mapping? Ça, je m'attendais. En fait, du mapping, c'est un programme qui... où tu peux utiliser la structure, mettons que c'est un mur de ciment avec des fenêtres. Donc, eux, ils peuvent prendre en photo l'image et ensuite découper les fenêtres et pouvoir décider où est-ce que l'image vidéo, mettons qu'ils ont des oiseaux. On veut les oiseaux en dessous des fenêtres, on veut en haut des fenêtres de la neige ou des arbres. Donc, ils peuvent vraiment composer leur image directement. Okay. Pour l'adapter. Oui. Ouais. C'est que je le vois, j'arrive pas trop à me rendre compte. Non, vous allez voir ça à Scoptrack. C'est une invitation. Ils sont en première partie, gratuite. Jacob Dufossé et Pascal Boucher, de 19h à 20h. Et ensuite, on commence le programme... officiel, Oui, la programmation de la soirée. Donc, et là, c'est ça, comme je te dis, la présentation se fait comme un TV show, en fait. Il y a une caméra live avec un setup... TV show, un peu lounge, un peu ambiance, confortable, un peu ambiance, un peu spécial aussi. On vous le souhaite. Parce que en même temps, je vais faire un peu de performance en début de l'interview et à la fin. C'est plus en début là, mais c'est une performance en fait d'un ami Louis Hudon qui fait souvent que je récupère parce que malheureusement il ne pouvait pas être là pour faire sa performance. Il était parti. Il t'a tendu le flambeau. Ouais, ben j'ai récupéré un peu. Donc mais ça sera pas aussi. Ça sera pas pareil. Non, ben ça va être, ça mieux, va être plus simple. Là, c'est, tu vas l'adapter à ta façon, puis ouais, tu vas découvrir quelque chose. En fait, je fais les présentations, donc. C'est ça. Donc, c'est ça en programme. On a des films Olé de Sandro Forte et Yannick B. Gélina. Yannick aussi présente Studio B et Duo Tête. Martine Asselin, vu par Martine Asselin. Sébastien Lapointe. Dominique Gagnon avec Haute Vitesse. Lou Campbell et le teaser Les Petits Cauchemars. Je sais pas qui c'est, ça. J'ai entendu parler de ça vaguement. Ouais, ça dit. Vous êtes sûr que vous voulez passer ça? Ça avait l'air ordinaire un peu, je trouve. En tout cas, vous faites comme vous voulez. Non, mais il y a quand même pas mal de noms. C'est ben le oui, il y a beaucoup ouais, de noms. Ouais, ça ouais, bien. La majorité des efforts et du temps doivent passer sur la recherche de monde que ça lui tente de. Parce que le lieu, il bouge pas, lui. Non, le lieu bouge pas, mais je veux dire qu'il y a beaucoup d'organisations pareil à faire. Parce que c'est pas des salles conventionnelles où tu as de l'électricité, tu as tout. Tout ce qu'on amène, on essaie de rester ça comme laisser ça simple, là, mais c'est quand même complexe. Là, Non, ça prend le power. Ouais, ça prend le power. Ça prend le juice. Ben ça, c'est bon, là. C'est ça, en début de programme aussi, il va y avoir aussi le DJ Bushido, Patrice Tremblay, en fait. Le VJ Hocus Focus, Jean-Jacques Bourget. Est-ce qu'il fait des tours de magie, Hocus Focus? Hocus Focus, oui, il y a plusieurs tours dans son sac. Êtes-vous du genre à avoir un site Internet? C'est probablement le temps de lancer l'adresse. Oui, en fait, on a un site Internet. Je vous le dis honnêtement, il n'est pas très super, mais l'information est là. On va remédier à la situation après l'événement. Là. Oh, t'es à 70%, là. Pas trop de justification. Donc, en fait, c'est www.scoptrack. Scoptrack, ça s'appelle scoptrack.110mb.com. Ah, bon, voilà. 110 Donc, MB, je ne sais pas. Mais moi, c'est ça. C'est un serveur. Okay. Ainsi va la vie. C'est ça, c'est gratuit, puis c'est... Ça, c'est un beau mot. Hein, justement, on en parlait tantôt. C'est le mot de Joe, hein? Ben oui. En fait, si vous voulez plus d'informations aussi, il y a sur le site des Journées de la culture. Donc, ça va être peut-être plus facile pour certaines personnes de se repérer. Donc, on est dans la programmation spéciale des Journées de la culture. Oh, le monde spécial! C'est comme à Mario quand t'as assez d'étoiles. Wouh! Ben, merci. Merci beaucoup, Marie. Ben, de rien, ça fait plaisir. Et puis, répète l'adresse Internet encore une fois, c'est important, ça. Je peux la dire, moi, parce qu'elle était difficile. www.scoptrack.com. Bravo. Je voulais annoncer une petite dernière nouvelle. Il n'y aura pas de vente d'alcool sur le site. Je vais amener vos drinks. Est-ce qu'on peut apporter? Amenez vos drinks dans un verre en plastique ou soyez discret parce que vous risquez de vous faire enlever aussi. Amenez pas de vous faire enlever, pas pogné. On risque d'être malade, puis en plus, on n'a pas le droit d'être. J'aimerais bien mieux vous faire enlever. Ce que vous voulez, c'est. Je suis désolée, c'est la ville de Montréal. Oh, on va vivre avec. Sacré. En fait, il y a des élections, là, c'est le temps de changer ça. Et voilà la facette politique de DJ Georges. Mais parlant de facette politique, il y a la chanson Steve. En fait, Cédrica de Steve qui m'a vraiment, vraiment frappé la. Tu vas la mettre, là, ce coup-là. Deux semaines. Non, je ne la mettrai pas encore. Je voulais juste en parler. En fait, c'est quoi je vais mettre? Je vais mettre Jean-Louis Témis, quand c'est noir, c'est cuit. Le gars, il a inventé Cuisinier sans frontières, puis il donne de la job à du monde de Madagascar en lui montrant comment être utile. Ou encore. Comment utiliser le temps ou le talent. Je sais pas, man. Le gars, il est cool. Il a fait une toune. C'est heureux. Hey, on pourrait mettre Sunshine Reggae à la place. Ah! As-tu Sunshine Reggae? Ouais, je l'ai. All right, Sunshine Reggae. On met ça, finalement? Ah ouais, on met Sunshine Reggae. À 70%? Hey, j'ai tapé ça dans mon browser. Choc FM, l'alternative urbaine. C'est ça, c'est tout, ça. Tout, ah. C'est sûr. Ah, trop bien. Hey, puis dans les temps? Ouais. take it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Is that too much? Gimme just a little smile. We got a message for you. John Good. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a lot stronger. Sunshine, sunshine reggae. Quel bonheur! Hey, moi, en tout cas, cette semaine-là, j'ai tapé dans un moteur de recherche Sunshine Reggae. C'est la seule fois de ma vie, c'est sûr, que je vais faire ça. Sur sa travail. Mais j'allais trouver cette tune-là, puis je la trouve bonne. Là, c'est Sarah qui me l'avait dit, puis là, on l'a écouté, puis on était content. Voilà, tout le monde est heureux. Tout le monde? Manu, est-ce que tu es heureux? Très heureux. Et voilà de prise de position ici. Ouais. C'est très déclaratif. Très heureux. Très heureux. Et voilà. On le sent, hein, l'émotion. On passe au dossier chaud qui nous intéresse. Oui, alors... On parle de technologie. On va y aller avec technologie cette fois-ci. Alors, imaginez-vous donc que la vitesse des connexions Internet sont très mauvaises en Afrique du Sud dû à un manque de bandes passantes. Donc, SAPA, une compagnie de technologie de l'information frustrée par la lenteur de la transmission par Internet, a prouvé mercredi dernier qu'il était plus rapide de transférer des données par pigeon voyageur que par Télécom, le réseau Internet le plus important au pays. Le pigeon de 11 mois a pris 1h08 à parcourir les 80 km entre son point de départ et d'arrivée avec une carte de données attachée à la patte. En incluant le transfert de la carte à l'ordinateur et le retour du pigeon, l'opération a pris 2h06 minutes et 57 secondes, soit assez de temps pour transférer 4% des mêmes données par Internet. Alors voilà. Wow. Donc on va 25 fois plus vite avec un pigeon. Une avancée technologique. Tout à fait. Ben ça implique les clés USB. Hein? Ça prend quand même des clés USB. Il y a un dompteur de pigeons puis des clés USB. C'est ça. C'est la technologie. Ça, c'est investi là-dedans au début, puis tu les réutilises plein de fois. Là. Hey, peut-être que des gens là-bas devraient faire de leur emploi de faire que le réseau va mieux. Peut-être. Ou élever plus de pigeons. C'est un choix à faire, là. Non, mais moi, je voulais faire un lien vers ta chronique. Ah, OK. Ah, j'avais même pas compris. Ah, c'était trop flou. C'est, je m'excuse. Okay, la prochaine fois, on va se faire des signes. Il va falloir. Okay, ah, mais regardez-vous pour vous faire des signes. Oui, aussi, c'est ça. On ne se regarde jamais. Tommy, je te regarde. Comme tu es beau. Regardez-vous. On n'est pas obligé de parler de ça. Là. Alors, on va. Je vais régler ça cette semaine. Je vais commencer tout de suite par une chanson qui m'a été envoyée par notre ami Lilian Schutt d'Outre-mer. Hey, d'ailleurs, c'est vrai, j'ai mis des séquences de Rue Barbare qui m'avait envoyé tantôt. Ah, j'ai oublié de la mentionner. Là, ouais, on a eu un petit bout en français. Là. Uh-huh. C'est ça, il se passe des affaires avec une fillette. Là. Oui, ça va l'air... sombres affaires. Ça a l'air weird un peu. Hein? Ça va revenir. Donc, il m'a envoyé la chanson « Merci patron » des Charlots. Qui, donc, c'est une chanson où des employés, ironiquement, remercient leur patron de leur permettre de faire une aussi bonne vie en travaillant pour lui. Alors, on écoute ça tout de suite pour ouvrir le spécial. C'est très sympathique. Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur. C'est bon. Ils sont motivés. Une humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. Ça pourrait être une chanson de Mary Poppins. Un petit Odèle. Ouais. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux. On est heureux comme des fous. On voit toute la comédie musicale en arrière. Ah oh, ouais. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. Alors on dédie ça à tous les gens qui sont écœurés de leur travail, s'il vous plaît. Un peu de motivation dans la vie, ça a bien meilleur goût. Sinon, ben, y a différents emplois qu'on peut faire, peu importe lequel, qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres. On peut, par exemple, décider d'être barbière. Et là, c'est pour contraster un peu, on revient au terroir québécois. Avec Clément Grenier. Barbière. Barbière? C'est comme être barbier, mais une fille. Ah. Tu rases des filles. Peut-être une fille. C'est la... T'es raseuse de barbe de... La barbe du bas. Ouais, tu sais. Oh. Ça doit porter un nom bien plus long. La barbe sud. C'est à Paris, y a une barbière 100 fois plus belle que le jour. Autant me dire qu'elle est si belle, sûrement j'irai la voir un jour. Elle est plus belle que le jour, j'irai la voir un jour. Là, on voit qu'il fait rimer belle avec belle, puis jour avec jour. C'est fort. Autant me dire qu'elle est si belle, sûrement j'irai la voir un jour. Je partirai vers les minuits. J'aime ça, il fait lier. À point du jour. Ça, c'est la trademark de Clément Grenier. Ah ouais? Ouais, il chante tout le temps avec cette belle voix-là. Tu vas dire, il chante avec son nez, hein? C'est ça. Fait que finalement, bon, le gars, il crouse une barrière. Hein? Hey, mais c'est quand c'est même un bon réflexe, hein? T'es une fille, puis tu t'en vas une place que la seule clientèle, c'est des gars, puis... Tu deviens barbière. C'était rusé, cette barbière. Écoute. Elle a dû faire un gros manager. Du coup, c'est pas. Sûr qu'elle est devenue riche. Sinon, ben. on va y aller avec quelque chose d'autre, là. Tiens, Chantal Renaud. Ça fait toujours du bien d'entendre Chantal. Oui, tu l'aimes beaucoup, elle. Je l'adore, Chantal. Malheureusement, elle n'a pas fait assez de chansons pour que je puisse en mettre toujours une, peu importe le thème, là. Mais là, cette fois-ci, là, j'en ai une bonne. Elle nous interprète ici Monsieur le Boulanger. Aide à boire, hein. Oui, c'est solennel. C'est dramatique. Boulanger. Monsieur le boulanger, ne laissez pas de pain. Mon amour est parti ce matin. Ah, il est bizarre le rythme. C'est bizarre, hein? Il a pris la viande pour s'en aller au loin. C'est un dé. Monsieur le boulanger, ne laissez pas de pain. Mon amour est parti ce matin. Elle me donne mal au ventre, cette chanson. Je n'ai plus personne à qui donner pain. La main. Ah ouais, donne-moi la tête. Il écrira si souvent que je lirai tout le temps. Tout le temps. Mais qu'est-ce qu'une lettre quand on sait que les mots ça s'envole dans le vent. Oh là là. N'importe quoi. Il écrira tous les jours. Là c'est le boulanger. De jolies phrases d'amour. Ah non, là tu suis pas à tenir. Ah non. Elle, son chum est parti. Donc elle dit au boulanger, donne-moi pas de pain parce que vu que mon chum est parti, j'ai plus l'appétit. Là, son chum qui est parti, il va y écrire des lettres, par contre. Ah, j'avais compris qu'elle était amoureuse du boulanger. Non, alors, bon. Regardez, on la recommence. Oh hey, non! Bon, on a couru après. Ouais, ça va peut-être être à l'examen. C'est ça. Écoutez, prenez des notes, là. Tout ça, c'est au. Ça va être dans le quiz de mi-session. Où est parti le chum de Chantal Renaud dans la chanson Le Boulanger? Au loin? Ouais. Bonne réponse! Et voilà. Non, mais hein, ça, peut-être pour la foire, on se cuisinera un petit quiz DJ Georges pour les vrais de vrais. Les purs. Oui. Sinon, bon, tiens, on va passer à Anne Joyal qui nous chante La vie de misère du vendeur de souliers. Parce que c'est pas facile, être vendeur de souliers. C'est mal chaussé. C'est pas les cordonniers, ça? Ben, vendeur de souliers, cordonnier, mal chaussé. Je suis tout pareil, ça. Et pas d'hiante aussi. C'est sa philosophie. Tu te lèves tôt ce matin. Ish. Encore. Ton café trop fort te tiendra éveillé. Aïe, aïe. Jusqu'à ce soir. Arrête. Il est vraiment fort, un café. Hein. Tu travailles toute la journée encore. Oh. Ah, c'est drôle, ça a des trémolos dans la voix. Oui. Pourquoi faire? Oh, les cœurs. Pourquoi? Gospel. C'est jazzy un peu. Ah oui, écoute, tous les styles se rencontrent. Veuillez patienter, mesdames, un instant. Nous allons finir et la journée ne fait que commencer. Ah, je vous dis un autre. On avait quasiment. Elle est chiante en fait. Ouais. On l'aime pas tant. Pas tellement, hein. Mais ça a l'air dur d'être vendeur de souliers, en tout cas. On travaille fort. Hey, c'est vrai, on revient à la thématique de base. Ah oui, c'est ça, là, l'idée. Sinon, bon, OK, on va prendre André Clavier, qui va nous interpréter ici « Salut, Trucker ». Sans doute quelque chose plus sympathique comme job, là. Les tunes de Trucker, il y en a plein. Job de gars. Job de gars. Salut, je sais pas pourquoi. Écoute mes chansons. T'as juste besoin d'avoir des jambes assez grandes pour rendre la pédale. Dans ton beau camion, sache clutcher. Salut, trucker. Mais quelle idée! T'as un compagnon sur la route, si loin de ta maison. Échappe. Aïe. Salut, trucker. Et voilà. Écoute, évidemment, c'est de la chanson country joyeuse. C'est un des sept nains qui s'est recyclé. Après, il est devenu trucker. T'as un compagnon sur la route, si loin de ta maison. Avec ta cargaison. Hey, si je garde ça en background en présentant le film de ce soir, qu'est-ce que t'en dis? Moi, je dis que ça me va, là. J'en ai assez fait. Salut Trucker, on va dire salut Bradley à place, parce que, ou salut Soldier. Oh! On écoute Cyborg Cop 2, AKA Cyborg Soldier. J'aurais dû dire alias, continue à traîner. David Bradley, c'est l'acteur. Dans le domaine, c'est un héros non chanté. Ancien champion d'arts martiaux, on sait pas c'est quel style, il a suivi la trail mystérieuse qui amène un gars expert en quelque chose devenir sous-fifre dans un domaine dans lequel il n'a que très peu de compétences. En tant qu'acteur, David Bradley a commencé au cinéma par un défi de taille. Ramasser par terre le flambeau éteint de la série des American Ninja, flambeau que Michael Dudikoff avait laissé tomber. Puis ben, on apprendra dans American Ninja 4 qu'il y a en fait deux ninjas blancs américains et que c'est Jackson qui fait le lien dans le diégétique dans ses... C'est pas important. En reprenant avec brio donc le rôle du ninja blanc américain, David Bradley et son côte de cuir ont réussi à se créer une niche dans le paysage audiovisuel douteux. À preuve, voici la liste chronologique de ses premiers films. American Ninja 3, 2. Blood Hunt. American Ninja 4, 2. The Annihilation. American Samurai. Aucun lien avec les American Ninja. Et bien sûr, American Ninja 5, The Snake Strikes Back. Et ainsi de suite, de 88 à 97. On peut aisément comprendre pourquoi Sam Firstenberg, en 1994, choisit Brad Simpson. Je vous l'ai pas dit, David Bradley, c'est un nom d'acteur. Son vrai nom, c'est Brad Simpson. Yep. Donc, Brad Simpson... pour tenir le rôle de face dans les gros plans de son prochain film de policier en vengeance personnelle de frère kidnappé. Film tourné 2 ans après Terminator. C'est important, ça. Uh-huh. Terminator 2, par contre. Ça a-tu un rapport? On retourne au boulanger. Ouais. Fatiguant. C'est correct. Ouais. On raconte dans les forums de bas de page de IMDB que David Bradley n'aurait plus jamais envie d'entendre parler de sa carrière au cinéma et qu'il habiterait l'état préféré de tous, le Texas. Wow. Mais ça, on s'en fout royalement. On est à 9 minutes 40 dans le film. On y est. On pince play. En fait, fusillade, des gens meurent pendant 9 minutes 40. Là arrive David Bradley, alias Brad Simpson. Il est tellement beau. Il est sur les lieux, là. L'attitude, juste en marchant. Et il y a des otages? Ouais, une bande de défoncés accros à la cocaïne. Il faut essayer de négocier un deal pour les libérer. C'est des évadés? J'en sais rien. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ils ont 2 ou 3 pétards chacun. Écoutez, capitaine. On va rester en place jusqu'à l'arrivée de la brigade d'intervention. Hé, capitaine, le QG au téléphone. Oui, ici le capitaine Salerno. Écoute, toi tu restes là avec le capitaine. Je vais aller voir. Avez-vous remarqué le bronzage de son coéquipier? Oui. C'est signe de décès prématuré, ça. Non. Celui-là est pour moi. C'est personnel. C'est pas la peine qu'il y ait d'autres morts. Qu'est-ce qu'il a de particulier, lui? Tu peux me le dire? Lui, c'est Jack Ryan. Oh. Il faut qu'on parle. Un autre? Je viens vous voir. 700 000 des Jack Ryan. Là, il enlève. Et je suis pas armé. Tous ses fusils de sur lui. Ryan. Pas savoir qui c'est, ce Ryan. Il parle comme ça, lui. Cette espèce de salopard qui a tué mon frère l'année dernière. Voilà. C'est ça l'explication. Je suis clean. Ça fait un moment que j'attends ce jour pour pouvoir me venger. On va trouver une solution. Je vais vous faire plaisir. D'accord, j'ai compris. C'est mon boulot de vous faire plaisir. Quoi? Quoi? Oh, putain, encore. Ça, c'est le capitaine. Écoutez, les mecs, je vous donnerai tout ce que il vous dit voudrez. Encore. Oh, ouais, c'est ça. Faut pas oublier. Tanné. Que... faut plus qu'on lui. Il a dit qu'il était fauché, putain, mais on a un nouveau maire qui assure, lui. Mais qu'est-ce qu'il vous fout, plaisir. Bordel de merde. Bon, ok, j'arrive. Et voilà Jack Ryan. Ça va comme ça? Pas peur. Une veste de cuir. Jack Ryan qui rentre dans le bâtiment. Oui. Il semble désert jusqu'à présent. Que va-t-il se passer? Vous avez foutu un de ces bordels ici. Oh. Voilà, le moment de la vengeance. Non, c'est pas des infanticidaires, hein? Ben, ça, c'est une question de point de vue. Oui, d'accord. On bouge pas. La petite musique derrière. Ouais. Jack. Jack Ryan. Salut. On se connaît. Tu te rappelles pas? Arlen Starkraven, ça te dit rien? Quoi? Tu lui as fait sa fête l'année dernière, au cours de ce raid. Ben tu l'as foutu dans un sac en plastique. Tu as tué mon frère! Écoute, ça aurait pas dû arriver. Dans les dames. Il a pas fait le bon choix. Alors à toi de faire le bon choix aujourd'hui, on n'a pas à discuter de tout j'ai ça. J'ai pas envie de discuter avec toi, Jack. Je vais te tuer. Ensuite, je vais t'arracher le cœur. Et je le prendrai dans ma main. Et puis je regarderai les gouttes de sang tomber. Hey, boy! Hey, méchant, lui! Et ensuite, tu arrêteras de respirer. Et ensuite, tu décéderas. Et ensuite, je rirai. Et ensuite, j'irai pisser. Et voilà le coéquipier. Eh oui, qui a tenté de finir à la rescousse, mais qui est mort. Il a commis de tomber. Le péché irréparable d'être trop bronzé. Oui, puis d'être sur les scènes avec des fusils. Tu fais pas ça, mais... Mais là, on voit que Jack Ryan, finalement, avait un dernier fusil caché. Et voilà, et on commence... sur tout le monde au ralenti. Hey, l'avez-vous sauté sur le côté au ralenti? Ouais, hein? Ça, c'est du grand art. On va skipper la fusillade qui va être suivie d'un bout de combat. J'avance ici, je m'en vais à 15 minutes 55. Parce que là, il y a un otage, puis là, ben, blabla, là, puis là ça va se finir. C'est tellement plus personnel quand t'as mal aux jointures à la fin du combat. Allez bien, toi! Et voilà la prise d'otage. Oui. Le même noir, qui était pas mort, finalement. Le quota. Il y avait énormément de suicides parmi les flics. Ah non. Non! Ah, il est dessus. Ça te donne envie, Manu? Là, on a vu une très bizarre de séquence de répétition de la même séquence dans un long métrage. Je sais pas si vous l'avez vu, quand il donnait un coup dans la tête de tape dans le gars, en tout cas, on s'en fout, là. Le visuel, vous le verrez au brouhaha ou sinon... Vous l'imaginerez. T'as tué Mike! T'as tué Mike! On se retrouvera en enfer, Jack! Mais il doit avoir d'autres places, sinon... Sinon, au Tim Horton. On se retrouvera à Tim Horton. Celui à la sortie de la ville, pas celui au centre-ville. Et voilà les petites dernières paroles après avoir perdu son coéquipier et capturé le très méchant Stan. C'est ça. Et voilà, tu peux payer. C'est ça. Puis on prend le liquide. Payer. Oh, il va payer. Surprenamment assez, il va devenir un espèce de robot flic, Robocop 2. Là, il va devenir le méchant là, parce que là, ils veulent faire des cyborgs. Là, ils prennent des corps de condamnés à mort parce qu'ils sont trop méchants. Puis ils perdent le contrôle. Ouais, c'est ça, c'est une bonne idée. C'est une poupée. Ouais, ça a fait ses tests d'après, mettons. Moi, j'ai déjà vu ça dans un film, un scientifique qui invente quelque chose et qui perd le contrôle de sa création. Là. Ben, surtout quand tu pars d'un condamné à mort qui n'a plus rien à perdre. Il n'y a plus quoi à perdre? Rien. OK. Là-dessus, on va écouter le garage. Bonne journée. On revient à 70%, pas plus. Ouais. Bonjour. Un homme de terrain, vous le savez parfaitement. Vous n'avez pas lu son dossier? Je l'ai lu, moi. Il est arrivé premier de sa section. C'est un merveilleux linguiste et il manie les armes comme personne. C'est le meilleur élément entraîné que nous ayons. C'est aussi un fantastique joueur de bowling, mais cette histoire, c'est sérieux. C'est pas un jeu. Ces types sont des ninjas. Incroyable phrase ici, Gary Daniels. Gary Daniels. David Bradley, j'ai tendance à les mélanger souvent parce que les deux sont sombres, ont le visage en triangle, ont l'air d'être des mononcles sympathiques. Et, parlent anglais de naissance. Gary Daniels, c'est un champion de karaté anglais qui est venu faire carrière en Californie. Et puis, David Bradley, c'est un champion de karaté américain qui est allé faire carrière en Californie, aux États-Unis. C'est comme d'habitude. Là, tu peux pas aller ailleurs. C'est là qu'il faut aller. Ben oui, voilà. Avant, c'était ailleurs. Oui, mais là, ailleurs, c'est rendu en Californie. C'est ça. Mais voilà. Ils ont relocalisé ailleurs, là-bas. Ailleurs relocalisation. On est rendu à quoi, là? Je sais pas, là. Je sais pas. Toi, Sarah, tu voulais parler de quelque chose? J'ai vécu une aventure assez spéciale vendredi, parce que il y avait la soirée qu'on appelle Art and Design. Puis comme t'aimes ça beaucoup le design, Tommy, oui. Je pense que c'était important d'en parler. C'est vrai. Fait que soirée Art and Design où tout le monde est en chemise à carreaux avec un verre de Boris à $3. De la non-intéressance du propos et le bonheur d'être plein à se complaire devant des œuvres qui n'ont d'artistique que le nom de l'agence de pub qui la soutient. Des chaussures hors de prix. Donc, il y avait comme plusieurs agences comme, genre, je ne vais pas les citer, mais on les connaît. Ouais, toujours les qui mêmes. Proposent, genre, des œuvres. En l'occurrence, il y avait des baskets avec des brillants qui rappelaient le gant de Michael Jackson. Qui valent... Il n'y avait même pas les prix affichés. Puis alors, en dessous, avec un petit nom drôle, genre, du nom du designer de la chaussure. Mm-hmm. Fait que là, on rentre. Je suis bien contente de ne pas avoir eu à payer l'entrée parce que c'était $15 pour se retrouver avec, dans un endroit qui pue, littéralement. Et, à cause de tous les souliers. Et le problème, c'est qu'il y a des artistes qui sont quand même bien, qui exposent pendant ce genre de soirée-là, mais la soirée, elle est tellement puante de pédance et transpire tellement l'agence de pub que tu n'as même pas envie de voir l'exposition des artistes parce que tu... c'est même plus intéressant. C'est dommage quand même. Ben oui, puis moi c'est ça, je vais essayer de faire venir un des artistes justement que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un super bon photographe qui exposait à cette soirée Art and Design de Caca, puis que du coup, comme personne n'a aimé, parce qu'on est allé à plusieurs, personne n'a aimé, ça donne même pas envie de suivre l'artiste parce que tu dis qu'il s'est comme rapproché de ça. Ouais. Fait que moi, j'aimerais ça avoir son la possibilité de laver son... Exact, en venant ici, ça va être totalement l'opposé. Puis ça se trouve, puis aussi voir comment il se positionne par rapport à ça, c'est est-ce que lui a été content de sa soirée, par exemple, de... Oh, qu'est-ce qui se passe? Ça, en fait, c'est qu'on a un coup de téléphone ici à 70%. Est-ce que c'est eux qui appellent? Peut-être. Oui, bonjour. Oh! Salut, c'est Pledge. Ah, c'est hey! Comment ça se ça passe? Ça va, vous autres? Ben oui. Ça va pas bien, j'ai coupé quelqu'un dans sa chronique, là? Oui, c'est moi, c'est pas grave. Mais t'es en train de glisser sur un artiste visuel. J'aime bien quand tu me coupes, Simon. Yes, mon plan machiavélique a fonctionné. Donc, je suis sur un appel longue distance, fait que tu vas attendre ton tour, là. C'est mon oncle Pledge qui radote. Mais là, j'ai pas mon iPod avec moi, fait que ma chanson thème, je vais vous la faire a cappella. Et voilà. T'es tellement sexy. C'est pareil, t'es encore vivant. Mais là, je vous le jure ici, c'est trash en esti, parce qu'en ce moment, je suis dans une garderie, là. Je trouve ça concept, sauf que là, je vais arrêter, parce que les filles sont toutes en train de brailler, là, puis la bonne femme est en train d'appeler la police. Attends une minute, 2 secondes. OK, bon. T'es-tu habillé comme je pense aussi? Bon. OK, moi, je dois remettre ma chronique sur les Nguyen à la semaine prochaine parce que là, je suis à Québec avec du bien bon monde pour le nouveau chapitre de douteux.org, Gobarnine Cassie du Faubourg, au 811 rue Saint-Jean à Québec. Fuck yeah, à soir, on se tape Cyborg Cop 2, ça va être malade, on va en rendre plusieurs malades. Et en plus, Fred, j'ai dans la place, fait qu'appelle aux demoiselles qui s'ennuient, venez faire un tour, c'est cuisses à mon oncle, puis faites vos plaisantes, je suis facile à trouver, celui qui a le gros pénis, je suis pas manquable. Mais je vais quand même vous jaser de discrimination, parce que là, je suis un peu constipé à l'idée que les gens me prennent pour quelqu'un de raciste, parce que j'ai dit les mots juif, nègre, cimard, puis terroriste en onde. Les gens me prennent pour un esti nazi. One minute, patapon, là. Moi, je suis pas raciste partout. Je ne fais aucune discrimination. Je déteste tout le monde. C'est pas compliqué. C'est à travers toute ta descendance que je t'haïs. Ramène-moi pas ton arrière-grand-père sous prétexte que c'est battu qui est patriote ou qui a inventé la crise de Poutine. M'en calisse. J'ai-tu l'air d'un crise de radis? Moi, tu viendras pas me prendre une mordée dans ma fierté, mon petit gars. Parce que tu vas voir qu'une yelle, c'est plus profond que tu penses quand tu sais comment pousser sur le crucifix comme faut que je vais t'engorger. Hey, engorgé, ça me fait penser à c'était à nos urgences. La semaine passée, M. Scalpé a un bout de doigt à couper une brique de hache, puis ça saignait en tabarnak. Fait que je me suis retrouvé aux urgences en face de chez nous. J'ai traversé la rue clopin-clopin et perdant tout mon sang sur des quêteux qui me lichaient le poêle, J'ai rentré là sans carte d'assurance maladie parce que si j'en ai pas de pièce d'identité, je me suis assis 5 minutes pour finalement me faire dorloter aux soins de Natacha, une belle pitoune de 27 ans, blonde aux yeux bleus, avec tout ce qu'il faut, 514-555-6381. Elle m'a soigné aux petits oignons, puis je suis sorti de là avec un sac plein de cossins pour refaire mon pansement que j'ai pas payé. Ça a même pas pris une demi-heure, puis elle voulait même que je revienne le lendemain pour le changer elle-même. C'est de même que j'ai eu son numéro de téléphone. Fait que pour ceux qui chialent qu'il y a des engorgements dans les urgences, je vous répondrai ceci. Faut savoir coucher avec les bonnes personnes. C'est sûr que les ladrons de Véabon sont condamnés à attendre en ligne comme des astis de losers, mais pour les autres, faut juste sélectionner les personnes qui vont recevoir ton cock slap. Parce que c'est de même que ça marche. C'est la même chose dans le showbiz pis en politique. Arrêtez de vous plaindre, tabarnak. Usez de votre caboche un peu, là. À force d'entraîner votre cerveau, vous allez peut-être arrêter de saigner des oreilles quand vous faites un mot croisé. OK? Ça, là, c'est encore les mêmes qui chialent quand il fait fret, qui chialent quand il fait chaud. Ça chiale tout le temps. J'en ai plein la prostate. Ils sont jamais contents. Faudrait qu'on leur mange leur craft dinner pour eux autres comme des calices de moineaux en marde. Dans une autre vie, c'était juste des crises de peanuts au barbecue. Arrête de mettre Anne-Marie Lezic devant les bœufs. Elle va peut-être lâcher les boules quand elle passe à la TV. Fait que oui, je suis raciste. Je suis raciste contre les caves, aussi. Pas moyen de les éviter. Je suis parti de Montréal à matin, aussi, pensant que j'aurais une pause d'ignominie pour changer. Ben non, c'est plein de caves, c'est avec. Sans compter la peuplade de touristes de Montréal qui débarquent dans la vieille capitale parce que cette année, ils étaient pas capables de se payer le camping à Old Orchard. Hostie que ça pue pis que c'est laid, tu vois. L'architecture ici, t'es vieille, man. Elle est encore plus vieille que les jokes de gros de Dominique et Martin Calis. C'est pas peu dire. Au moins, ici, ils ont réglé le problème de l'immigration. D'après moi, ils échappent tout à Montréal, hostie. Parce que, j'ai pas vu un noir, j'ai pas vu un portugais, j'ai pas vu un taliban à des kilomètres à la ronde. Sinon, ils sont tous enfermés dans le sol de l'église pis ils ressortent juste quand ces touristes sont partis. Est-ce que le pire resto chinois est tenu par un Roger Tremblay, bâtard? M'en va le trouver, moi. Il y a de quoi de louche là-dessus. Je vais enquêter là-dessus, puis je vous jure que je vais en trouver des Nguyen. C'est sûr qu'il y en a, sont partout, est-ce. Ils sont bien tranquilles, mais ça cache quelque chose, ce silence-là. Je vous reviens là-dessus la semaine prochaine en pétant un plomb encore une fois sa discrimination, les féministes, puis ma théorie de conspiration des Nguyen, OK? La semaine prochaine, il va pleuvoir de la merde, c'est garanti. Mais là, j'aimerais vous présenter une nouvelle amie, là, du chapitre de Québec. Ici, on a Da Wish. Et je pense qu'Evelyne avait dit un petit mot, là. Ah ouais, donc. Ben non, j'avais rien à dire, mais j'étais un petit peu gênée. Fait que on va vous présenter Da Wish, notre nouvelle amie à Québec. Ça va être ses premières paroles à 70%. Dis de pas trop se forcer. Salut, Da Wish représentatif. Salut, Da Wish. Ça va bien? Ben certain, t'es rapper en plus là, de ce que je me souviens de la semaine passée. Là. Yes. Ben ouais. Envoie et pose donc quelques lignes. Là. Tu sais, je t'envoie quelques lignes. Ben oui. Tu veux dire, parle de ma mère. N'importe quoi? Ben oui. Donne envie de te rencontrer. Hein? Donne envie de te rencontrer. Non, donne envie. Ouais, donne envie, OK. Ouais. Hein? Jusqu'à présent. Là. OK, je pensais que tu avais le goût de me rencontrer. Ben, dis tes phrases. Sexy. OK. A place been on my site. Could won't be a talk with me. Buenos dias. You know me. It's the rock, hell, the morose, and those papicholos. I've been taking a dick on the whipboard. I just snatches on the simple fact. Yo, check this out. Oh, le E, le R, le D, je te le dis bonhomme, viens pas te frotter parce que je vais t'écœurer, je vais te faire ben chier, puis qu'on te fasse, je vais te la casser. Durée mérotique contre fantastique, c'est moi le mec le plus poétique. Sur le tête avec un micro dans les mains, y a rien qui passe sous panier. Ah, 70%. C'est fort. Ah, c'est fort, moi, j'ai enlevé mon linge. C'est moi qui l'ai. Donnez mon 70% au moins. Excellent. Eh ben merci beaucoup, Da Wish. Bonne chance pour ce soir. Ah, merci, ben gros, on va essayer. Puis, y'a-tu du monde qui sont rendus déjà? Ça se peut pas. Ah, on a une coupe, on a une coupe. Ah, Colin, c'est fou. Ah, on va torcher Montréal, c'est sûr. Finalement, on a parlé avec Mathieu, puis on a décidé qu'on s'haïssait pas entre les chapitres. Non, on commence pas par ça. Vous haïssait pas, là? Non, on vous aime à Québec. Ah, c'est pas grave, c'est moi le meilleur. Fait que c'est mon chapitre. C'est bon, Da Wish, c'est toi le king. Fait que je vais te repasser l'autre blind. Ouais, oui, c'est bon. Pintade, là. Ouais, c'est l'autre blin-blin, là. Salut, blin-blin. Fait que merci de nous avoir donné du temps. Vous avez du fun, là, vous n'ennuyez pas trop? Non, ça allait ben très bien. Ouais, vous avez eu un rap live, là. C'est fou, hein? Québec et sa ville, puis le français c'est et sa langue. C'est pas son nom, mais c'est la même famille. Ouais, ça, on voit beaucoup de liens. Il peut dire « fuck you ». Cool. Bon, ben, on va gérer ça, mon gars. Moi, je raccroche parce que tu payes un interurbain. Ben oui. pas grave. Si c'est pour blaster du monde, je suis bien content. Là-dessus, bon soirée, gang. Attends un petit peu, Fred, je pense à ça. Ouais. Tu sais, la toune Cédrica de Steve, toi. Ouais. Elle est touchante, hein? Ben, on l'écoute. On va en faire jouer ça, c'est sûr, à soir, là. Cédrica, lâche pas! C'est là que je raccroche. Salut, Fred, lâche pas. Bye! Ouais, parce que la toune Cédrica de Steve, c'est vraiment quelque chose de très, très touchant. Mais hein, tu devrais la mettre. Et puis, ouais, je pense que là, c'est rendu le temps. On va écouter... C'est ça. C'est ça. On l'a dédié à tous ces guitares-là, c'est les plus touchants. Chanson parue en 2007, on l'a découvert il y a deux semaines. Oui, c'est ça. Comme Cédrica est dur à trouver. Si banal, s'est transformé en cauchemar à cause d'un minable. Je te dis que c'est pas fort. Si t'entends cette chanson, moi je te dis, garde espoir. Tout le Québec et moi te cherchons. On espère tous te revoir ce soir. Les filles, tu as des inconnus gentils. Parle jamais aux étrangers. Si jamais tu te fais approcher, ne te laisse pas m'adouer, car tu pourrais être en danger. Cédrica, pourquoi t'es parti, t'es plus là. Papa s'ennuie de toi, maman ne pense qu'à toi. Où que tu sois, lâche pas. Où que tu sois, lâche pas. Où que tu sois, lâche pas. Où que tu sois, lâche pas. La police ou les citoyens, on passe la ville au peigne fin. Méfie-toi de l'homme au petit chien. Sois porté confiance, on s'en vient. Tout le pays a ta photo. Les immeubles dans les restos, sur les poteaux, dans les journaux, ils vont publier un porte-drapeau. Ne laisse pas m'adouer, car tu pourrais être en danger. Cédrica, pourquoi t'es parti, t'es plus là. Papa s'ennuie de toi, maman ne pense qu'à toi. Où que tu sois, lâche pas. Où que tu sois, lâche pas. Où que tu sois, lâche pas. Où que tu sois, lâche pas. Méfie-toi des inconnus gentils, ne parle jamais aux étrangers. Mais si jamais tu te fais approcher, ne te laisse pas m'adouer, car tu pourrais être en danger. Cédrica, pourquoi t'es parti, t'es plus là. Papa s'ennuie de toi, maman ne pense qu'à toi. Où que tu sois, lâche pas. Où que tu sois, lâche pas. Où que tu sois, lâche pas. Où que tu sois, lâche pas. J'arrête ce poème. Voulons prévenir ce phénomène. À travers ce poème, voulons te dire, je t'aime. Ici Danny Daniel Gabriel, vous écoutez l'émission 70% à Choc FM. Ah! Ah, il est mieux que Patrick Bruel. Que ça fait du bien, hein, Cédrica. On t'aime, Cédrica. Hey, c'est, ça n'a pas de bon sens, man. T'as pas le droit. Ma gueule, on a déjà booké l'affaire. Ouais, ouais. On a parlé de Dan. En fait, j'ai mis Danny Daniel Gabriel. Oui. Parle-moi de Danny Daniel Gabriel. Danny Daniel Gabriel a beaucoup aimé son passage à notre émission et je lui proposais, maintenant qu'il a fait un nouveau vidéo pour sa chanson Tout Tout Tout Partout, et qu'il a fait un ou qu'il va faire, je sais plus la date, mais en tout cas, un show live pour la première fois. Je lui disais, tu devrais venir à 70%, venir faire une tune live, apporter ta guitare, puis jouer. Puis il était bien content. Puis il nous a dit que lui fonctionnait avec les lunes noires et les lunes blanches. Lune noire étant la nouvelle lune, lune blanche étant la pleine lune. Puis que la dernière fois qu'il était venu, c'était une de ces deux-là. Là, je me rappelle plus, mais c'était la lune noire. Puis là, le 2 novembre serait une lune blanche, fait que ça équilibrerait. Donc, t'es en train de me dire qu'il y aurait une date potentielle autour du début du mois des morts pour que Danny, ouais. Daniel Gabriel, concordant avec les phases de la lune, exact. Qui m'intéressent, passe à 70% à nous faire une toune live. Parce que ça tombe bien quand même qu'il y ait un lundi bientôt qui tombe sur une lune blanche ou noire. Et voilà. Fait que voilà, 2 novembre, c'est en pour parler là, pour l'instant. Je ne veux pas confirmer encore à 100%, mais confirme on se à 70%. Touche, et voilà. Et je touche de la mélamine hein, pour faire sûr que la chose va arriver, pour conjurer le mauvais sort. Sinon, ben des gros événements qui s'en viennent, gros événements énergie, gros party. Super puissance, super débordement. Non, on devrait avoir Edgar Bory qui va venir le 28 septembre. Il va venir... présenter le lancement de son album. Puis c'est hop parce qu'ils ont parlé de son album à Radio-Canada, puis il y a une toune qui s'appelle Les Douteux. Ouais. Puis c'est nous autres. C'est vrai. Ah, je l'ai entendu, Evelyne m'a fait entendre, elle est super bonne. Fait qu'on est comme passé à Radio-Canada. Et voilà. Ben, ouais, par procuration, on est passé à Radio-Canada. Non, mais ben content. Sinon, j'essaie d'avoir Richard Z-Sirois et bien sûr la programmation de la foi qui avance et qui me fait étirer mon intervention inutile en attendant que Étienne Forêt reprenne le contrôle. Oui, je vais reprendre le contrôle d'abord en commençant par une nouvelle de Bruno. Qui n'est pas là, mais qui nous a envoyé ceci. Donc, on a... En fait, je vais faire les deux dernières nouvelles parce qu'ils vont pas mal ensemble. C'était des nouvelles policières encore, où il est question de voleurs qui reviennent sur les lieux du crime. Donc, on a, après avoir surpris un voleur à l'intérieur de sa maison, Steve Flugie de Pensacola, en Floride, a appelé la police qui est arrivée quelques minutes plus tard. Le voleur a eu le temps de voler plusieurs items de la maison de Flugie avant de se sauver par la cour arrière, mais a dû laisser un téléviseur à écran plasma de 42 pouces sur le bord de la clôture dans sa fuite. Plusieurs policiers, ainsi que des voitures de patrouille et un chien, se sont mis à la tâche, mais n'ont pas réussi à retrouver le voleur. Un policier assigné à trouver des preuves à l'intérieur de la maison avait laissé le téléviseur de côté afin de trouver des empreintes digitales plus tard. Il n'a malheureusement pas eu cette chance, car 45 minutes après, le voleur est revenu pour reprendre le téléviseur. « Nous n'avions aucune raison de croire que le voleur allait revenir », affirme le capitaine Jay Worley. Nous n'avions aucune raison de croire qu'il était con à ce point. C'est ça, et qu'il était plus con que nous. Flugie affirme que les policiers étaient très embarrassés de cette bévue et ont affaire de lui payer son téléviseur. Ok, il est revenu. Ah! Ok, ils l'ont pas pogné! Non, c'est ça. Il est revenu, ils avaient dit on laisse le téléviseur là, on prendra les empreintes dessus plus tard, puis 45 minutes après, il est revenu, il l'a pris, puis il s'est sauvé. Ouais, c'est peut-être un autre voleur qui avait un écran plasma sur le bord du trottoir aussi. Peut-être aussi. Et voilà, les forces de police, hey, Flugie, c'est du nom de famille, ça. Oui, je sais pas, je te le prononce comme il faut, c'est F-L-U-E-G-G-E. J'y étais de Flugie, cette c'est plus drôle que l'autre. C'est ça. Hey, lis l'autre aussi. Eh bien, l'autre, ça se passe toujours aux États-Unis. La police de Columbus, en Ohio, a arrêté un voleur qui avait décidé de revenir sur les lieux du crime. Selon les enquêteurs, Stephen Bennett est l'un des trois hommes qui sont entrés... évidemment. Qui sont entrés par infraction chez un couple dans la nuit de samedi dernier. Un peu plus de 2 heures plus tard, Bennett est revenu pour demander à la victime, Diana Martinez, si elle avait un copain et si elle voulait sortir avec lui. Nous ne savons pas à quoi il pensait, affirme le sergent Sean Laird, mais la victime l'a reconnu tout de suite et a réussi à faire appeler le 911 par sa cousine. La police a arrêté Bennett devant la maison. Ses deux complices sont toujours au large. C'est un voleur sentimental. Voilà. Il est tombé en amour. C'est beau. Ben oui. C'est dommage qu'on écoute, je t'ai volé, mais ça, c'était professionnel. C'est ça. Au niveau personnel, moi, amour, je veux vraiment te revoir. Ben, je dirais oui. Ah ouais. Au lieu d'appeler le 911. Il est tellement franc. C'est ça. Moi, le changer, moi, c'est un bad boy. Mais oui, moi, c'est ça. Ça, ça, moi, ça marche toujours avec les faits. Les bousons noirs. Comme David Bradley. Oui. Ah ouais, shoot, man, shoot. OK, ben c'est tout pour les nouvelles, mais je vais vous passer une couple de tunes encore. Remets-toi, Bruno, lâche pas. Oh, oh. Oui, puis Bruno. Tommy s'ennuie de toi. Étienne s'ennuie de toi. Sarah s'ennuie de toi. Ouais, enfin, pas tant. Non, mais pas tant que ça. Ouais, là, je t'écoute. Bon, alors, moi, je dis que s'il y a une belle job dans la vie, c'est bien d'être musicien. Alors, j'ai deux chansons de musiciens ici. Ben, pas de... C'est toujours des chansons de musiciens, mais sur les musiciens. On a Manuel Brault aussi qui nous chante « Les musiciens de la rue ». T'as-tu amené Doudou la rumba aussi? Non. C'est trop, là, ça. Ouais, j'avoue. Oh là là, wow! On a baissé notre garde un peu. Ah, on s'y attendait pas à ce début. Sur les quais des gares, aux portes des métros. Ah, il y a un petit banjo derrière, j'aime ouais, ça. Ouais. C'est toujours beau, ce banjo. Ils grattent leur guitare. Et tu as. Hey, c'est bon le rythme. De midi au petit jour. C'est son technique. Donc, les musiciens de la rue. Et voilà. Ah ouais, c'est ça, je la connais, celle-là. Les musiciens de la rue. Les musiciens de la rue. Ouais, de la rue. Ils chantent pour quelques sous un vieillard de Belém, les Beatles ou dans la balle. Ouais, je sais pas. Beatles, ils remplacent les oiseaux qui ont déserté les rues parce qu'on ne les écoutait plus. La la la la la la la la la la la la. Eh, hey, tiens, Twiddle-lady. Tambour et banjo. Basse clarinette. On passe à la prochaine? Oui, oui. On va vraiment casser l'ambiance. C'est assez dilaté. Survolté qui est ici. Parce qu'on passe à la chanson Les musiciens avaient de la vie. Dans le temps, hein? Oui. Dans le temps. C'est plus le même à ce temps. Les musiciens. Oh, oui. Avec la vie. Quand vous avez reconnu Normand Lamour. Non, oui, ça me plaisait. De chanter avec eux autres, il l'avait la faille. Tu sais, au rayon des hommages à, là, j'aimerais vraiment voir quelqu'un qui fait un hommage à Normand Lamour. Ouais, un disque hommage à Normand Lamour. On pourrait le faire avec le band Dommage que tu sois pas ma... Dommage que tu sois ma sœur. Ah, ben t'appelles ça Dommage que tu sois ma sœur, mais D'apostrophe hommage. Ah, ouais. Ah, intelligence. Tu vois le marketing, ça me connaît. Art et design. J'étudie du design d'idées. Ça me faisait plaisir. Ah, j'ergonomise tes pensées, merde. Hey, fist fuck. Sur une trame sonore de Normand Lamour. Quoi de mieux? Vous allez faire l'apologie du design. Oui, voilà. C'est parce que comme mon opinion est construite au travers de lectures approfondies, elle est bien meilleure que la tienne. Ce bleu va mieux avec ce rose. Qu'est-ce que toi tu penses? Et voilà. Je pense que ça fait le tour de cette chanson. Arrête là, ça va être une page de tournée. Ouais, je pense que. Il est inarrêtable, man. Puis il continue, hein, Normand Lamour. Ah oui, il en fait encore d'autres. Là. Maintenant, il est à Sorel, au magasin de musique de son gérant. Il a arrêté d'aller travailler au Madrid. Ouais, puis fini le Madrid. Il passe en mode production seulement. Exact. Puis ben, on peut le rencontrer, puis acheter ses disques, puis tout ça, puis se faire ouvrir l'âme. On peut encore faire ça, mais dans ce magasin-là. Donc, c'est plus proche de nous. Moi, je suis bien content. Donc, cette chanson-là, c'était tirée du fameux CD 93. Voilà, merci. On va changer de genre un peu. On s'en va avec Bourville. Donc, on revient vers la France. Avec la tactique du gendarme. Donc, ce qu'on se rend compte là-dedans, c'est qu'un gendarme, apparemment, a besoin d'avoir une bonne tactique pour réussir. Et que ça a l'air un peu gay. Sur hey, ça fait un lien avec Cybercop, en plus. Parce que David Bradley m'a mené l'enquête. C'est un gendarme. Je pense que la tactique, son badge, son arme. Fait ça de méthode personnelle. Cause de RPG. Ça part cuivré. On sent encore la comédie musicale. Oui, les plus vieilles. De très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas que tout. Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tac tac tac tac tac du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tac tac tac tac tac du gendarme, c'est d'avoir que de virilité. Les yeux en face des troupes, contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier. Ah, mais veux-tu en plugger une petite dernière? Ouais, une dernière. On va, je vais juste regarder vite ce que j'avais sorti là, pour en prendre vraiment une bonne. Tiens, on va partir avec les classelles. Si on est allé de travailler, puis qu'on ne veut plus, on veut lâcher notre job, une bonne solution, c'est de gagner le gros lot à la loterie. Alors, je vous offre les classelles qui nous chantent « Si j'étais millionnaire » sur un air connu. Oh, comment? Ah, hein? Oh, boy. Ah, si je gagnais le gros lot, ah, génial. 69. Ah, si je possédais la terre, ah, ben, ben, ben. Ah oui, tout comme serait plus. Oh, quelquefois je rêve à ce que je pourrais faire. Si j'étais millionnaire. Petit problème de stéréo aussi. Mm. C'est sûr que si les Espagnols, ils écoutent cette chanson-là, puis l'autre, ils pensent que c'est la même chose. C'est certain. Ils voient pas la différence. Ah, ah, ah, ah. J'ai déjà pris un jacuzzi avec le petit gros déclassé. Collection de mauvaises idées. Inventer des chansons, c'est beaucoup trop difficile. On vampirise celle des autres. C'est bien plus drôle. Hey, c'est ça, débile, man. Ben, ben. Tu sais, je veux dire, je suis pour le régler les droits d'auteur quand j'entends des estimiaiseries. Ouais, dans les années 60, il n'y en avait pas de ça. Et voilà, c'est dans le temps qu'ils ont baissé le garde. Hein. Ouais. Mais c'est pas la même chose si nous vivons dans un petit sous-marin jaune. C'est pas We Are Live in a Yellow Submarine. C'est pas pareil du tout. Hey, arrête-moi ça, man. Souffrance. OK, on va l'arrêter. Je reviendrai la semaine prochaine, car lundi prochain est un autre lundi prochain. Car lundi prochain est un autre lundi. Aïe, aïe, aïe, aïe. Hein? Voilà. Introspection. Petit moment de silence de radio, on va se payer ça. Ouais, je pense que c'est le moment ou jamais. Aïe, aïe, aïe. OK. On est capable, faut pas lâcher. Comme la semaine passée, j'ai écouté le show, puis il voulait faire le concept. Là. Il voulait... Busté à l'envers. Je les ai trouvés pas mal rebelles. En effet. Aïe, aïe, aïe. Non, j'ai préparé de quoi ici. Vous allez voir, c'est pas mal bon. Ça vient d'Internet. Et puis tout ce qui est Internet, c'est très, bon. Très, très, très bon. C'est bon. C'est tout le temps vrai. Tout est vrai. Comme sur Wikipédia, tout est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai. C'est en ligne. Et voilà. Play. He loves a fat girl. On revient juste après à 70%. Ça, c'est beau, c'est touchant. It's not about gender. Right. It's not about genre. It's about size. Woo. It's about weight. Yes. And how big women really are great. Right. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hug her and please her and make love all through the night. sweet, she's hot, she's mellow, and he's not gonna be yellow. He'd be such a lucky fellow to have that plump girl he loves. He loves a fat girl, she's such a beautiful sight. When he gets her, he's gonna hold her and squeeze her and hug her and please her and make love all through the night. Cha. Et voilà, il a été chanceux, il a trouvé une fille grosse. Ouais, c'est pas facile, hein? C'est justement son style, fait que il est fier de nous chanter. Il les aime quand ils sont grosses. Ça, c'est tiré d'émission The Amazing Queens. Ouais, moi aussi, j'aime ça, les filles qui sont grosses. Je sors avec la grosse. Non, c'est l'émission Goddesses, pardon. Ah, bon. Voilà. Hey, ce qu'on fait, là, c'est que vous autres, vous allez vous lever, vous allez faire un bout. Moi, je vais lire un petit texte. Mm. Puis après ça, on va se rejoindre, puis on va aller au brouhaha. C'est bon. Hey, merci beaucoup, Étienne Forêt. Un plaisir à chaque fois. Toujours. Vous n'êtes pas trop ennuyé, puis vous avez gardé le studio propre pendant que je n'étais pas là. C'est correct. Oui. Sarah, bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sarah qui a décidé de se mettre sur le dossier de nous trouver des invités, ça va rajouter de la vie. Puis Manu, là-bas. Ah oui? Comment non, ça m'a fait plaisir, je me suis senti très à l'aise. Oui, j'ai senti que quand on débattait, des fois, ça devenait chaud, là, mais... tu sais, je veux dire, je te paye une bière tantôt, là, tout va bien aller, là. C'est ça, je voulais pas faire de débordement. Puis quand j'ai parlé de nos mères, je parlais juste de la mienne. Ben, battez-vous pas. Je le prends pas pour moi. Je veux juste que tout le monde s'entende bien. Donc, quant au film, il y en a ce soir du matériel qui pourrait revenir à l'examen. On parle de Cyborg Cop 2. Une poursuite en char qui se compte en heures. Une enquête bâclée à la va-vite pour donner un semblant de fil conducteur à une histoire inconnue. Un désir de vengeance qui survit à la mort. Un coéquipier bronzé qui décède. Il enquête à sa manière de flic devant rendre son badge et son arme. Un savant fou qui perd le contrôle de sa création. Des fois, ça arrive. Un demi-lune, bien sûr. Les armes à la fine pointe de voilà 15 ans. Effets spéciaux 2 ans après Terminator 2. On n'oublie pas un sergent exaspéré, une babe, source infinie de décibels, mystérieusement greffé au héros. En résumé, Cyborg Cop 2 se veut un savant mélange de Robocop et de Terminator 2. Et, pour preuve, la trame sonore du preview du film, c'était le Terminator Main Team. Le tout s'agglomère en un petit bijou qui perd quelques points parce que 7 minutes trop long, soit 97 minutes au total. Cyborg Cop 2, Star Craven, est de ces films gluants qui, mystérieusement, gagnent à l'être. Et j'ai trouvé pourquoi tantôt. Ce sont les éléments audio du film qui contribuent à donner à l'ensemble une ambiance de sous-sol d'église dans un couloir de morgue décoré en party de l'âge d'or imaginé par un roadkill de moufette sur une des routes du néant menant sur une porte à deux sorties. S'il vous plaît, soyez patient et écoutez car bientôt vous aurez les dialogues, vous aurez la trame sonore et vous aurez à vos oreilles à maudire. Aussi, deux petits cookies, remarquez bien les séquences de prison, l'une vers la 18e minute et l'autre vers la 25e. Elles illustrent très bien le concept du trop peu peut s'avérer pire que pas assez. Et puis ben voilà, vous allez écouter Cyborg Cop 2. J'ai finalement, en fin de chronique, je dois répéter ces quelques mots qui étaient dans mon texte tantôt parce que, ben, c'est le même. Cyborg Cop, Cyber Tracker, Roboflick, Robocop, American Ninja, American Samurai et Cyborg Soldier. J'adore ça. C'était 70%. Si vous êtes pas là la semaine prochaine, il y en a un la semaine d'après. Salut. Ça va être mieux.